T'avais des yeux de terre et les voilà gadou, mille milliers de mers sur tes joues. Je te tiens par le bras, je ne dis rien, tu vois. Il faut dire que le dire n'aide pas. Si on pensait à rien, le temps d'un galopin, parfois penser peu, c'est bien, et se dire qu'on est bien, c'est mieux. Il y a des milliers de voiles qui n'ont jamais vu l'eau. Nous faut pas qu'on s'installe de trop. Passer les mille matins, si le temps nous éteint, alors parler peu sera bien, mais se dire qu'on est bien sera mieux. Regardez les étoiles et nous sentir humains, se dire on n'est que dalle, oh, que rien. On fera comme on peut, on aura des gamins, s'inquiéter un peu, c'est bien, mais se dire qu'on est bien, c'est mieux. Il y a tant de parfums au marché de Clichy, j'y ai trouvé le tien. Samedi, j'en ai fait mon savon, j'en ai fait ma chanson. Ça paraît, je sais, très con, mais tu verras demain ce que font les refrains. Oh, pleurer un peu, c'est bien, et se dire qu'on est bien, c'est peu. Thank you.